Le martyr par Lucide de la rue Mardrus. Chaque soir, en rentrant de son travail, il savait trouver son gentil logis bien en ordre, son dîner cuit à point, et le tendre sourire de sa femme pour l'accueillir dès le seuil. Ayant choisi d'être ouvrier électricien, métier méticuleux et propre, il ne rapportait pas de l'extérieur besogneux où s'était passée sa journée ses habits maculés d'huile, de plâtre ou de charbon, que tant d'autres gardent sur eux avec quelques mauvaises odeurs. De son côté, Marie, petite lingère à domicile, gagnait sa part du budget dans les blancheurs, les points perlés, toute la coquetterie attachée à son labeur de fée. Depuis 2 ans qu'ils étaient mariés, pas de nuages. Pierre, bon garçon, Marie, très douce, nulle raison de se quereller. Ils avaient même cette chance. Leurs parents respectifs ne cherchaient en rien à se mêler des affaires du jeune ménage, ayant compris, chose rare, que les oiseaux envolés du nid ont le droit de refaire un nouveau nid sans plus rien savoir du premier. Ils s'étaient aimés dès que le hasard les avait fait se rencontrer, aimés de cet amour tranquille qui mêle à l'attrait sensuel le sens du foyer, notable pas seulement sur un élan momentané, mais sur un long avenir, et va jusqu'à prévoir la vieillesse à deux. C'était autrefois la formule même du mariage, avant que le goût moderne n'eût provisoire et, bousculant cette raisonnable institution, assimilé l'union conjugale à l'on ne sait quel coup de tête sans lendemain. Que Pierre eût une figure agréable sur un corps bien balancé, que Marie fût une fille fine de Paris aux jolis yeux et aux manières délicates, ces éléments, certes, avaient influé sur leur mutuel consentement. Mais dans la balance qui décidait de leur accord, d'autres considérations pesaient d'un poids égal, du moins du côté du mari. Car un ouvrier épouse, parce que la promise lui plaît physiquement, mais encore plus peut-être pour ses qualités de ménagère, étant donné que se marier et se munir d'une servante éternelle sont une seule et même chose pour lui. C'est la dot de la fille du peuple. Une si modeste vie aurait dû être de celle qu'on ne raconte pas parce que tout y a sa place et normal. Cependant, quand Pierre, la journée finie, cogna à la porte de chez lui, ce n'était pas sans une sourde appréhension depuis la naissance manquée d'un enfant, accident qui, laissant sa femme légèrement atteinte, remplaçait par une petite figure palote les bonnes joues roses de la fiancée, mettait dans ses jolis yeux une angoisse, contractait parfois sa bouche dans l'effort qu'elle faisait pour cacher la souffrance passagère. Elle ne se plaignait que lorsqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Elle savait d'instinct qu'il ne faut pas déranger la quiétude d'un homme heureux, que ses malaises finiraient un jour ou l'autre par rebuter le mari trop bien portant qui ne les comprenait qu'à moitié. « Ce n'est rien », avait-il coutume de dire quand il la voyait pâlir. « Ça te passera comme c'est venu. » Et vite, il parlait d'autre chose pour indiquer au destin qu'il ne fallait pas insister, que nulle menace n'était dans l'air, que tout en nulle santé devait pour lui rester nul et non avenu. Le berceau vide relégué dans un coin, cette défaite ne l'atteignait pas. D'avance, il avait été, comme beaucoup de jeunes maris, jaloux de l'enfant, ce rival légitime, et jugeait en outre qu'il fallait attendre encore plusieurs années avant d'affronter les charges d'une famille. Il était le premier fautif dans l'affaire. Mais quel est l'homme qui s'embrassera jamais d'une telle responsabilité? « Allons, secoue-toi un peu, nous allons aller au cinéma. Ça te fera du bien, non? Qu'est-ce que tu as encore ?» Et toujours la même réponse si « J'ai mal au ventre. » Il secoua la tête d'un geste presque agacé. Il voulait sa femme bien portante comme il voulait son intérieur propre et son dîner prêt, avec cet inconscient des hommes de tous les milieux, lesquels croient aussi naturel que le cours des saisons l'ordre qui règne chez eux, sans se douter de toutes les peines que prend le féminin pour parvenir chaque jour à ce résultat. Évidemment, le ménage se fait par magie, le dîner se cuit tout seul, et ce n'est rien d'héroïque que de trouver encore le moyen, avec une santé compromise, d'ourler à jour ou de broder les linons et les batistes des clientes. Je suis fatigué de ma journée de travail, j'ai le droit de me reposer sans me préoccuper du reste et de trouver tout à point quand je rentre. Marie aurait pu voir un médecin, mais c'est une chose qu'on ne fait que dans les cas extrêmes. On va plutôt chez le pharmacien, qui donne la bouteille ou les cachets qu'il faut. Parfois, les nuits, Marie se relevait avec des précautions de prestidigitateur pour ne pas réveiller son compagnon dormant à son côté. C'était lorsque quelques douleurs la poignaient. Ne pouvant endurer d'être couchée, elle se promenait à pas de loup dans l'étroite chambre, les mains à ses flancs. Et si Pierre se réveillait par hasard, ce n'était pas drôle. « Voilà des idées, tu vas prendre froid, allons, viens vite te recoucher. » Amoureusement, il l'enlaçait, elle n'osait se refuser et serrait les dents. Pierre n'était pas méchant, c'était un homme, voilà tout, c'est-à-dire une espèce de gosse qui ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une femme, ce camarade douloureux et secret. Et puis ils s'aimaient encore en jeune marié, nulle amertume ne pouvait se glisser entre eux. Un soir, Pierre entra avec une figure encore jamais vue, toute creuse et comme soudain vieillie. « Je ne sais pas ce que j'ai, » murmura-t-il dès la porte. « Il y a des camarades qui m'ont fait boire des saletés dans un bistrot. Ça n'a pas l'air de passer bien. » Maternelle, Marie, sans trop s'inquiéter, car elle voit bien de quoi il s'agit, l'aide à se déshabiller, le couche. « Je vais te faire une boule. » Quand elle la vient installée dans le lit, bordée, sa boule sur l'estomac, il reste un moment silencieux. Elle en profite pour se dépêcher de dîner sans même mettre le couvert, avalant les bouchées tout debout. À peine a-t-elle commencé. « Marie !» Elle accourt au bord du lit. « Donne-moi de la tisane, je sens que ça me fera du bien. » Le hâtif dîner refroidit pendant qu'elle fait bouillir l'eau, prépare la camomille. « C'est prêt ?» gémit-il toutes les 3 secondes. Quand elle a fini de le faire boire en lui soutenant la tête. « Marie, dépêche-toi de te coucher. » La lumière me fait mal à la tête. De dîner, il n'est plus question. Allongée à côté de son homme, le ventre creux, Marie ferme les yeux. Elle va sans doute s'assoupir. Marie, qu'est-ce que tu veux, mon chéri? J'ai mal. Une petite indigestion, mon chéri. Ça va passer. Demain matin, il n'y paraîtra plus. Oui, mais j'ai mal. Il eut mal pendant toute la première moitié de la nuit et ne se fit pas faute de le répéter, tenant sa femme éveillée, redemandant une autre boule. Une autre tasse de tisane, soupirant, se retournant. Il finit par rejeter brutalement ses couvertures, se leva, fit quelques pas dans la chambre. « Et tu restes couché, toi, quand je souffre comme ça ?» Elle ne put s'en empêcher, indulgente, douce, mais m'amusait un peu, malgré la nuit qui lui faisait passer. « Mon pauvre chéri, » dit-elle en se levant, résignée, « si je faisais tout ça, chaque fois que j'ai mal, moi ?» Pierre la regarda, surpris. De toute sa candeur et du reste avec une grande tendresse, il répondit par ce mot, tranquillement, gentiment féroce, ce mot bien masculin. « Mais voyons, ce n'est pas du tout la même chose. Toi, n'est-ce pas? Tu es habitué, toi ?» C'était Le Martyr, par Lucie de la rue Mardrus.